Tu veux faire tourner une... Une boucle. Je sens que ce soir, on va faire de musique. Tester les enceintes. Ça. Trouver des notes. J'écoute.